Donc avec moi ici Elkatou, avec moi ici Nio et Nelson. Coucou. Donc on est tous confinés, hein, donc on va c'est pour ça d'où un petit peu à distance, voilà. Donc pour ce podcast de confinement, en fait, on a décidé de vous faire partager tous les films que nous allons voir. Enfin tous, je sais pas, mais en tout cas ceux sur lesquels dont on a envie de parler un petit peu. Mais parce que vu que le confinement est quand même assez sévère, on aura largement le temps de voir plus qu'un ou deux films chacun, je pense. Donc voilà, ça, on va essayer de faire ça toutes les semaines. Et donc voilà, donc pour aujourd'hui, en fait, on va vous parler de cinq films. Donc il y aura The Car ou Transfert mécanique, Bronx, Prophétie et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et en dernier, Mister Dynamite. Et donc, on commence par Nio qui va nous parler de... Transfert mécanique. Ouais! Alors, est-ce que je résume un peu le film ou pas? Oui, j'ai dit transfert mécanique, mais c'est enfer mécanique en fait. Oui, résume un petit peu, vas-y, résume un petit peu, ouais. Transfert mécanique, on est dans une petite bourgade profonde de l'Utah, vraiment un coin paumé, où nous retrouvons James Brolin, qui est l'assistant du shérif. Et il se passe rien de très passionnant, etc. Ça fait du basique. Jusqu'au jour où une voiture de malheur, une grosse berline noire, sans aucune portière, on ne sait même pas si quelqu'un est okay au volant, commence à semer la mort et la désolation. Enfin mécanique, donc date de 77, c'est un film de Elliot Silverstein. Le mec n'a pas fait grand-chose, il a beaucoup travaillé pour la télévision. On lui voit quand même Un homme nommé Cheval, il a fait peu de temps avant Enfin mécanique. Et sinon, le film, donc c'est une bonne petite série B. Alors évidemment, ça sort sur la vague de Duel et Les Dents de la Mer. La voiture apparaîtra par moments dans une grande gerbée de poussière, un peu comme l'aileron du requin qui surgit de la mer au loin. D'ailleurs, il y a une similitude et même la musique ne fera qu'appuyer ça. Mais ce n'est pas Spielberg qui veut. Et ça reste une bonne série B, mais ça va pas plus loin, quoi. Donc j'avais des attentes sur le film parce que je vais voir une éternité et j'ai pensé que c'est un bon film sympathique, fantastique, un peu horrifique, avec des dialogues assez crus, assez barrés. Franchement, c'est un bon petit film d'Halloween. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, en fait, au niveau des acteurs, au niveau du réel, toi, t'en sais un peu plus ou pas? Alors, il y a peu d'acteurs connus à part James Brolin. On retrouve Ronnie Cox, Ouais. ce brave vieux Ronnie Cox qui avait donc joué chez Verhoeven, vu qu'on a parlé de Verhoeven. D'ailleurs, c'est marrant, Ronnie Cox, quand tu le vois chez Verhoeven, il est un peu plus vieux, alors que c'est juste 15 ans qui sépare The Car, enfin, 15 ans environ, 77 jusqu'à, mettons, non, Robocop, c'est 10 ans plus tard, et on voit Paul Starry Cole, c'est encore 13 ans plus tard. T'as l'impression qu'il a pris un coup de vieux d'un coup, Ronnie Cox. Ah, c'est pas lui qui faisait le patron là dans Robocop? Mais si, et dans Total Recall, il joue à nouveau un patron, celui qui dirige Marx. Voilà. Et là, je vois un peu, on dirait qu'il a une perruque, ou il a les cheveux un peu blonds, etc. Tu reconnais. Il joue un mec, un flic qui passe le danger, il a ses problèmes d'alcoolisme qui reviennent, il boit en cachette, etc. Ça rajoute un petit côté au film, un petit côté psychologique, même si, comme j'ai dit, on est très loin des modèles avoués de Spielberg, quoi. Mais à part ces deux-là, c'est tout, à part James Brolin, donc le papa de Josh, et Ronnie Cox, voilà. Ouais. Petite Ce que j'allais production. te dire, est-ce qu'il avait un lien de parenté avec Josh Brolin? C'est ce que j'allais te demander. C'est ça, c'est son papa. Bien D'ailleurs, sûr, elle il joue aussi dans Monde Ouest. Mais non, mais en plus, oui, et en plus, le pire, c'est qu'à une époque, c'était vraiment lui qui était connu, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est marié avec Barbara Streisand. C'était la minute people. Non, mais Josh Brolin, quand on regarde sa filmo, en fait, attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais regarder vite fait. Parce qu'il y a, il y a. Enfin, il me semble qu'il a fait pas mal de trucs télé aussi, je crois. Hein. Il me semble que je l'avais vu Camille dans les trucs télé. Et physiquement, d'ailleurs, je préfère le père jeune, d'ailleurs. Parce que Josh Brolin, là, il a une espèce de grosse mâchoire comme ça. Mais justement, tu vois le père et tu vois tout de suite le fils et vice-versa, quoi, c'est incroyable. Oui, il se ressent beaucoup, par contre. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais je pense que dans les duos père-fils, s'ils marchent aussi, s'ils ont aussi bien marché l'un que l'autre, c'est parce que ils ont un physique quand même qui est légèrement différent. Tu vois, il est quand même plus son fils est quand même plus mastoc, quoi. Ah bah oui, tiens. tiens, Papa Brolin, tiens, dans les années 70, il y a quand même Capricorn One, il y a Monde Ouest, il y a Amityville. Ça va, il y a quand même un petit palmarès dans les années 70. Ah ouais, bah oui. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était lui dans Amityville. Capricorn One, c'est avec O.J. Simpson, il me semble, non? C'est pas celui-là? Je sais plus, c'est le truc sur la. Un proxy qui se base un peu sur les complots sur la Lune, etc., par Peter Yams. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. C'est Peter Yams qui l'a fait. Ouais, qui a fait des bons films aussi sympathiques. J'aime beaucoup Outland, quand on parlait de Sean Connery, justement. Bah, Outland, fabuleux. Il a L'étrangleur de Boston aussi. Mais c'est vrai que je pense que Amityville, ouais, c'est le plus. D'ailleurs, quand tu vois le remake d'Amityville avec. Comment il s'appelle l'autre là? Celui qui a fait Green Lantern! Reynolds, Ryan Reynolds. En fait, j'ai l'impression qu'il a essayé de choper un peu le même type de physique, quoi. On s'est tous dit ça fait un peu old school, mais on dirait qu'il a chopé un peu le même type de physique avec tous les poils et tout. Ouais, sur The 15, donc un petit truc en plus à dire. Non, j'ai tout dit, il y a des trucs intéressants. Le problème de The Car, c'est que le film exploite pas assez son potentiel. Le film veut laisser planer de l'ambiguïté. Est-ce qu'il y a un chauffeur? Il n'y a pas de chauffeur? Est-ce qu'il y a une voiture démoniaque? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Ça, c'est une bonne intention. Mais la mise en scène n'est pas aussi expéditive et monstrueuse que chez Spielberg. Et même quand tu compares avec Duel, il n'y a pas un sentiment de peur. On n'a jamais d'inquiétude vraiment ou de peur. Même si le film arrive un peu à jouer sur un petit truc, etc., à te surprendre un petit peu par moment, quoi. Donc, c'est une bonne série B, ça monte sur Halloween, mais si on veut de la peur, bah, il faut chercher ailleurs. D'accord. Ok. C'est vraiment, c'est dans l'exploitation des films de l'époque, quoi. C'est vraiment, c'est une petite série B sympa, c'est tout, quoi. C'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah, moi, je vais enchaîner avec Bronx. Donc, sortie récente, puisqu'il est sorti vendredi sur Netflix. Il est sorti il y a quoi? Il y a deux, trois jours au moment où on enregistre le podcast. C'est presque Halloween, ça, dis-moi. Mais presque. Et en fait, le truc que j'ai remarqué, en fait, je pense qu'aux États-Unis, ils ont pas, enfin, sur l'international, ils ont pas dû aimer le titre Bronx parce que ça s'appelle Rock City. Rock City. Rock City, super. Et donc ils ont pas dû aimer l'amalgame Bronx en fait, je pense, avec le quartier de Bronx. Aussi, ouais. C'est vrai que ça fait très cliché qu'on se fait d'un point de vue français quand même. Et cliché, c'est un peu ce qui peut résumer tout le film. Hein. Moi, je suis pas hyper familiarisée avec les films d'Olivier Marshall, donc je suis assez choquée qu'on fasse ce genre de film, quoi. C'est-à-dire que on est quand même à une époque où les productions françaises, il y a de plus en plus de trucs neufs, et notamment par Netflix, qui a quand même apporté pas mal de choses à ce niveau-là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ça a quand même apporté pas mal de trucs. Et je suis choquée de voir un film avec autant de clichés que ça. Eux, du côté de Netflix, ils sont très contents parce qu'ils arrivent à amener des réalisateurs très connus, tu vois, et c'est vraiment cool parce que du coup, d'un côté, pour les réalisateurs, ça leur apporte plus de liberté. Mais en fait, tu te rends compte que bah, cette liberté, cette possibilité de bosser, bah, Olivier Marshall, ce qu'il en fait, ça tourne en rond, c'est pas hyper créatif, quoi. Donc déjà, moi, j'ai noté plein de trucs. Au niveau de la romantisation du personnage, de son personnage principal, qui est joué par Lanny Gautry, qui est le flic intègre, enfin dit intègre, mais le bon gars, c'est-à-dire que c'est le gars sur qui on peut compter, même pour des histoires de couple, hein, je veux dire, c'est même en dehors du travail, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Où il a une morale humaine aussi, tu vois, il suit des règles, mais voilà, attention, c'est un humain, donc en fait, il est gentil avec les gangsters, il leur parle bien s'il faut, ou alors, enfin voilà, il peut être compréhensif dans certains trucs et tout, enfin dans certaines situations. Tu vois, parce qu'il est flic mais humain, quoi. La manière dont il est filmé aussi, c'est-à-dire que le gars il est filmé sur son bateau, il habite sur un bateau, il est filmé avec sa femme qui est une nana qui a trop envie de lui, tu vois, en fait, qui le trouve trop bien, Et donc, Oui, mais c'est bourré d'amour, voyons. et t'as même une scène de sexe qui est pas très justifiée d'ailleurs, mais à part pour montrer que le mec il s'est trop bien baisé, quoi, j'en sais rien, mais tu vois, oui, et il a un espèce de vieux sage dans les parages, dans son entourage, on sait pas à quoi il sert, à part lui dire prends soin de la petite, tu vois, enfin des trucs comme ça, et c'est ridicule, enfin, ça romantise le personnage du flic intègre, quoi, c'est assez flippant. Bon, j'ai pas vu cette vie depuis les années 80. Et t'as des dialogues complètement vides aussi, des trucs clichés, genre bon, t'as Claudia Cardinal qui a un petit rôle, j'ai eu du mal à la reconnaître, tu vois, avec le temps, et en fait à un moment elle dit au personnage, parce qu'elle joue une matriarche en fait, et elle lui dit un truc qu'on n'aurait pas dit depuis les années 80 voire 70, tu vois, genre tu sais ce qui nous différencie toi et moi, c'est que toi t'as un badge de flic. Ah là là là là. Ah là là. T'as tout un vers la fin, t'as tout un dialogue père-fille aussi entre la fille qui veut marcher dans les traces de son père et tout, qu'elle croyait admirable alors que non, machin, enfin bon, c'est super cliché. La BO, au niveau de la BO aussi, c'est super cliché aussi parce que bah ça se passe à Marseille. Bah donc il faut du rap marseillais. T'as une accent au moment où t'as accentuation du côté dramatique vers la fin, bah qu'est-ce qu'il faut? Bah de l'opéra. Tu vois, enfin c'est des trucs. C'est, je veux dire, enfin, on a des compositeurs en France, on a des gens sur la meuf. Non, rien du tout. Bon, bref. Au niveau du jeu d'acteur, alors moi, quand j'ai dit je voulais voir Brooks, on m'a dit, oh là là, il y a Carice, attention, machin. Carice, c'est rien. Carice, c'est le plus sobre, c'est le plus retenu. C'est voilà, il a un rôle assez bateau. Voilà, à part, en fait, je pense qu'ils ont dû prendre Carice pour dire, ouais, c'est un film de bonhomme. Tu vois, pour bien montrer que c'est un. Un film de bonhomme. Oui! C'est la troisième fois qu'il joue dans un film où il joue Oui, mais justement, c'est un pour ça. gangster à deux francs. Et C'était c'est pas un pareil tous gangster, là, il deux. joue pas un gangster, il joue un flic, là. Ah ouais, d'accord, parce que il avait fait gangster contre. Ouais. Comment ça, j'ai oublié comment il s'appelait le truc de Julien Juliquer. Attends. Il y avait c'est Julien Leclerc ou je sais plus je Julien Juliquer, je sais plus comment il s'appelait le gars, Ouais, attends. avec Samy Boisgila. Il avait joué là-dedans, il avait joué dans merde ce film de merde là avec le fils de Clint Eastwood, Overdrive, dédicace à Tintin. Il y avait Overdrive et c'était nul à chier. Et il jouait dedans pareil. Il a joué dans Fast Life, Braqueur, Overdrive, Lucas. Ah, c'est Braqueur, voilà, merci, c'est Braqueur, le truc. Moi j'ai vu, j'ai dû voir sur les films que t'as fait, j'ai dû en voir trois. Tu vois? Mais Et là, il joue franchement, un flic! Il joue un flic et en plus, à part Braqueur. À part Braqueur, il a pas fait, c'est pas une foudre de guerre, sa carrière. Non, mais c'est normal. Il est, enfin voilà, il apprend son boulot, je pense. Enfin voilà, il apprend un boulot d'acteur. Voilà, si elle ouvre une autre porte. Moi, pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Carice en tant qu'acteur, je sais pas le souci là pour le coup. Je dis en plus, il est en jeu retenu, son personnage et ça. Bon voilà. Par contre, Jean Reno. Qui alors le rôle lui va bien, c'était une bonne idée, hein. Simplement, il a juste un regard de poinçon mort, hein. On a l'impression qu'il décède sous nos yeux quand même, hein. Donc bon, c'est un peu. Non mais franchement, pour les films d'action, il a fait son temps. Il avait qu'à voir Anti-Gang où il était absolument ridicule, on aurait dit Perfoura. Et à chaque fois qu'il se mettait à gueuler, t'avais l'impression qu'il allait faire une attaque, c'était vraiment Non, non, ridicule. mais là, il joue un cadre de la police, donc en costard et tout, ça lui va bien, Ouais. justement, tu vois. Ouais. Mais le jeu, oh la vache, et puis je te dis, je sais pas ce qui s'est passé, il a un truc dans les yeux qui passe pas, quoi. Et il y a aussi, ah oui, il y a une scène trop risible, à un moment, t'as des gangsters qui viennent faire des menaces, donc à la meuf, au mec sur son bateau et tout, enfin, à sa meuf, et en fait, les mecs, ils ont un ton monocorde hyper robotique, quoi. Tu vois, c'est genre la menace molle, quoi. Tu vois, c'est. Oh, c'est. On va faire brûler ta maison. Mais non, c'est même pas. C'est pire. Je te dis, quand je te dis que c'est robotique, tu sais, tu pourrais mettre, tu sais, les voix automatiques, tu sais, qu'on met, tu marques une phrase et ça pourrait être pareil, oui, quasiment. On va aller te ramener ta maison. Oui! C'est pas loin de ça, je te jure. C'est affreux, quoi. Et puis bon, bah, les femmes, forcément, elles sont toutes, soit complices, soit chiantes. Alors elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont toutes une image maternelle. C'est-à-dire que t'as la nana qui est enceinte, la mère de famille qui est excédée, la matriarche avec le dia cardinal et la supérieure quand même qui a un côté un peu maman, quoi. Donc c'est fou parce que c'est les mêmes à quelque chose près, c'est quasiment les mêmes galeries de personnages que pour Carbone. Et Carbone, pour le moment, c'est un des seuls films de Marshall que je peux blairer. Vraiment. Non, mais il a un schéma de film. Il a un schéma. Et il y a juste une exception, en fait, c'est la petite fliquette qui est jeune et tout, mais ça n'empêche qu'à un moment ou un autre, elle va devenir complice quand même, voilà. Donc, il y a des scènes what the fuck aussi, alors je spoil à mort, hein, mais bon, le flic qui laisse... alors ouais, ils font un transfert au début du film, en fait, quand je disais qu'il est, c'est un flic humain, c'est-à-dire que le mec, en plein transfert, il lui fait « ma femme est en train de crever, on va la voir ». Donc, il fait « bon, d'accord, allez, il va la voir ». Sa femme lui dit « ah, aide-moi à mourir, le flic est dans la chambre ». Bon, le mec, il lui dit « ouais, il dit au flic, hein, il dit « sors, comme ça, tu vas rien voir ». Le flic, ouais. Il sort. Genre, tranquille, non seulement tu fais une dérogation pour qu'il aille voir sa femme pendant son transfert, et ouais. En plus tu laisses tuer sa femme, bon ok c'est pour mourir dans la dignité machin tout, mais comme ça tu vois, oui voilà, tu vois, c'est, et il y a une scène avec les flics dans une qui débarquent pendant un enterrement dans une église. Ouais. C'est donc sa petite équipe qui débarque tranquille, tu vois, dans le calme et tout. Alors c'est à la fois très cinématographique, mais c'est en même temps très ridicule. C'est-à-dire que les mecs ils sont en train d'errer dans les allées pendant la messe, enfin bon c'est ok, et parce qu'ils sont en train de chercher un mec, voilà, c'est hyper ridicule. Ah, ils sont en train de chercher quoi? Un mec, pas un iPhone. Ah d'accord, j'ai compris, ils sont en train de chercher un iPhone, c'est ce qu'ils racontent. Et t'as la scène d'introduction du personnage de Bronski qui est joué par Lannick Gautry, donc justement, donc le personnage du flic intègre machin et tout, qui est justement la scène du transfert et tout, et l'autre mec en fait c'est Gérard Lanvin qui joue le gangster et qui va voir sa femme et tout. Et en fait, ils entament c'est une scène où en fait, qui veut dire en gros, regardez, les flics sont des intellectuels aussi, tu vois. En gros, c'est pour dire, parce qu'en fait, comme le personnage s'appelle Vronsky, comme dans un roman de Stoïstov, et en fait, les mecs, ils entament une discussion là-dessus. Donc voilà. C'est un peu, voilà, c'est juste pour dire ça. C'est, on n'oublie pas que les flics sont intelligents. On voit que le cinéma français n'est pas dans la réalité. Oh ouais, trop, mais c'est tellement forcé comme scène. À ce moment-là, tu dis quand même, les films de Chef des années 70-80, ça nous manque quand même. Quoi. Les Belmondo, ouais. Arrête, tu vois. Trop loin, là. Hey, d'ailleurs, les Belmondo, il y a une palanquée qui vient de sortir sur Netflix. Donc, d'accord. Bah, aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Mais... il y a une... Ah oui, la structure narrative, elle est devinable en 3 secondes. C'est-à-dire que tu as la scène d'intro qui est un flashback, et tu peux deviner exactement comment ça va se passer. Donc voilà, c'est bien, il n'y a pas de... Ah oui, il y a le personnage d'Éric Eboigny aussi, on ne sait pas trop, tu vois, ce qu'il est exactement. Le gars Éric. Ouais, mais simplement, ce personnage, on ne sait pas trop, tu vois, si c'est un mec, si c'est un supérieur intègre, ou si c'est un mec qui est tellement intègre qu'il est prêt à déroger à plein de trucs pour faire en sorte de laver les services. Enfin, tu sais pas trop, en fait. Puis en plus, tu sais pas ce qu'il fout là, au final, quoi. Enfin, tu comprends pas. Puis, en fait, vers la fin, tu finis par comprendre ce qu'il fout là, mais en même temps, tu dis, mais pourquoi? Enfin, je suis un peu perplexe quant à son personnage, en fait. Alors, quand tu crois qu'il y a une strate au-dessus, il y a encore une strate au-dessus. Enfin, c'est... Il y a plein de strates. Ouais. Donc pour moi, Bronx, c'est ça. C'est juste des clichés, de n'importe quoi. Et ta Netflix, en fait, qui te donne un peu de liberté, bah, t'en profites, en fait. Tu fais pas... Ou alors, c'est peut-être le problème, c'est qu'il avait de la liberté, j'en sais rien. Mais c'est... Ouais, ou alors, c'est... Bah, tu sais, après, peut-être que... Aussi, c'est ça le truc, c'est que Netflix, Ils ont une comment dire, ils attirent plein de réals. Ils attirent plein de réals, mais en fait leur truc c'est essentiellement pour l'export, pour que les ricains puissent se dire, ah bah oui, bah regarde, c'est exactement ce que je pensais de la France. Regarde, c'est Marseille, regarde ce que c'est, hein, les clichés abondent, parce que forcément en même temps ça passe très très bien à l'export, tu vois. Ouais, mais tu vois, tu vois, il y a quelque temps, était sorti Balle perdue de Guillaume Pierret, Ouais, et excellent. franchement, ben oui, et tu vois, le problème, c'est que tu vois, entre, il se paraît, c'est un film de flic aussi, Balle perdue, tu vois, et j'ai nettement préféré Balle perdue. Enfin, c'est là où tu vois la différence entre un mec, tu vois, qui veut faire du genre comme Guillaume Pierret, et un mec qui veut faire genre comme Olivier Marchal. Bon, Emilio, prophétie. Alors, prophétie, prophétie. J'aime bien comment tu changes d'un coup. T'as vu Alors, ça? prophétie, Pas de attends, transition. Ouais, c'est ça. deux ans après le CARM, Aucune deux ans transition. après le CARM en termes mécaniques, donc prophétie, donc 79, Ouais. je donne Frankenheimer. Ouais. Alors, je connais Frankenheimer, bon, on connaît Frankenheimer un peu, c'est le gars qui a fait French Connection 2, qui a fait Ronin, qui a fait Black Sunday, qui a fait... Enfin, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec le thriller, et là, on lui refait un film de monstre. Parce qu'initialement, il savait, là c'est la Paramount, prophétie, il savait que la Fox avait commencé à mettre en chantier un truc qui s'appelait Alien. Donc, le film de monstre, il savait pas trop si Alien allait marcher, etc. Mais il dit en concurrence, on va faire un truc, etc., on va emporter le morceau. Alors, peut-être que Frankenheimer, c'était peut-être pas le bon cinéaste à s'adresser, parce que le film de monstre, lui, c'est pas son truc. Aussi, le truc à retenir, c'est que, quand le film est lancé, prophétie, le scénario, il n'est pas fini, et le monstre lui-même, il n'est pas fini. Donc, non mais au résultat, le résultat du film, c'est que la créature, elle est un peu kitschouille, elle est très kitschouille, mais il y a quand même un savoir-faire et Frankenheimer n'est pas bête, il n'a pas envie de couillonner, saborder son film dès le début, Mais d'ailleurs, il en va plus, faire. l'affiche, elle ressemble un peu à celle d'Alien, hein. Bah oui, totalement. Et mais la créature du coup de prophétie, le gros monstre, qui est une espèce on va spoiler juste un peu, qui est une espèce de gros grizzly qui a l'air un peu brûlé à cause des radiations, n'apparaîtra vraiment qu'à la fin. Donc, il a retenu la leçon des Dents de la Mer, ne pas montrer la créature ou très peu, jouer sur suggestion. Ce qui fait que les deux tiers du film, en cinémascope, c'est très beau, bon chef opérateur, la musique, c'est le même compositeur, c'est pour ça que je me disais qu'il y avait des liens entre The Car, c'est le même compositeur que pour The Car, la musique. Sauf que The Car, le compositeur, c'est Leonard Rosenman. Il reprenait un peu le Dies Irae, l'ouverture du Symphonie Fantastique de Berlioz. Qu'on réentendra quelques années plus tard dans Shining de Kubrick. Donc, il n'était pas très motivé, et Leonard Rosenman, pour Prophétie, il te fait une belle composition originale à la musique, totalement nouvelle, uniquement pour Prophétie, et c'est beau. Ça respire le travail bien fait. Et Frankenheimer en profite pour mettre un petit discours écologique dans le film, vu qu'on suit un médecin, c'est pas très clair, c'est un mec qui soigne les gens. Dès le début, on voit dans le ghetto pour un enfant qui. Dans le ghetto noir. Pour un enfant qui a eu des problèmes, etc. Donc, il est emmené à l'hôpital, l'enfant. Et ça permet donc de parler pour Frankenheimer, de laisser poindre un petit discours sur les droits des Indiens et aussi des minorités noires. Vu que le film, après, l'intégralité du film se déroule dans le Maine, près d'une papeterie qui, on ne sait pas trop, et chez des produits chimiques qu'elle déverse, etc. C'est pas très montré. Mais du coup, les Indiens, ils sont un peu spéciaux de leur terre, c'est eux qu'on accuse, les populations indigènes dans le Maine. Et ça lui permet de faire passer un petit discours politique, quoi. Ça fait plaisir, un petit film un peu horrifique, tout ça inquiétant. D'accord. Malheureusement, le film, voilà, le film, donc le film, il est assez lent, il pose les bases, tout ça. Et le dernier tiers, bah, il y a la créature qui se montre. Donc du coup, ça fait un peu kitsch, un peu pitié, Ouais. malheureusement. Alors, il y a des mises à mort qui sont bleues. La mise à mort, ça c'est devenu kitsch, et Leonard Lohan a dû en parler. La mise à mort d'un gamin qui se fait boulotter d'un coup de patte par l'espèce de créature grizzly qui se fait envoyer gicler contre un rocher. Ouais! Content, hein? Ouais, ça peut pas être aussi oui, bon, c'est clair que, mais c'est aussi ridicule que le mec dans comment ça s'appelle, Attack the Block, qui il y en a qui s'en souviennent, l'alien qui coupe la tête du jeune, d'un coup de patte, pareil, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. Non mais surtout, là c'est comique, là, ça veut peut-être jouer sur l'effet un peu de peur brusque, mais c'est comique parce que le gamin est en sac de couchage, et la scène est devenue culte. Le gamin est en sac de couchage, il n'arrive même pas à ouvrir la fermeture, et puis il y a le monstre qui d'un coup de patte. C'est génial. Non, cette scène devenue culte, vous la retrouverez sur YouTube. Et en fait, toute la dernière partie du film, c'est devient presque un survival avec la créature qui les suit, une espèce de Terminator, elle les suit pour essayer de les déterminer les uns après les autres, les survivants du film. Et c'est dommage parce qu'on perd tout le côté un peu inquiétant du truc. Et la créature aurait franchement gagné à être finalisée de bout en bout. Là, on est une espèce de monstre, une espèce de grizzly un peu brûlé, etc. Avec les chairs mignonnes, c'est fait. Ouais, bon, tout ça pour ça, quoi. C'est dommage. Donc en fait, sans prophétie, ça aurait pu être un très bon film. C'est juste un bon film. C'est pas le nanar escompté. C'est juste un bon film. Frankenheimer, il s'en sort à peu près bien, alors que le film, il se barre un peu en sucette vers la fin, dans la dernière partie. Mais le reste du film, il s'en sert à peu près bien. Donc non, c'est pas le navet abordé, etc. C'est juste un bon film. Juste, t'as l'impression de voir un peu le sentiment de gâchis quand t'arrives à la dernière demi-heure du film, quoi. C'est un peu dommage, mais bon. Donc Ok. voilà, prophétie, c'est. C'est un petit film sympathique, encore un nouveau un petit série B sympathique d'Halloween. Il n'a pas eu de chance, parce que par contre, Alien qui sort la même année, là le monstre est finalisé, il est vraiment finalisé, poussé de bout en bout avec les décors, tout ça, etc. Donc autant dire que Frankenheimer, il avait pas une chance, quoi. Mais bon. D'accord. Bah écoute, c'est comme ça. Il y a des coïncidences d'année à une année où t'as. Enfin, faudrait faire un truc comme ça, en fait. Comparer tous les films qui se ressemblent et qui sont sortis la même année, tu vois. Parce qu'il y a des Ouais, fois tu ou te les dis films c'est. qui ont échappé au ouais, qui sont plantés, quoi. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence des fois où c'est pas un studio qui s'est dit allez, on va surfer dessus, on a entendu parler d'un truc. Enfin Bah, déjà, avec le film Dents de la mer en 75, etc., il y a vraiment en plus d'une vague pour le space opéra qui commence à arriver avec Star Wars, il y a une vague pour les films de monstres, etc., qui est vraiment importante, quoi. Alors, pour parler un peu du prophétie, un peu quelques mots sur l'état casting technique. Alors, nous avions Talia Shire, je sais pas si on dit Shire, Shire. Shire. Talia C'est Shire, pire. voilà, avant d'être dans Rocky, ou même d'ailleurs au même moment que Rocky. Le premier Rocky, c'est quand? C'est un peu plus tôt, le premier Rocky, non? Je sais plus du tout. Ah, attends. On va voir. Ah, Rocky. ok. Ah, ok. Bah, 67, ouais, c'est un peu 76, plus ouais. tôt. Donc, évidemment, elle fait les Rocky, et puis elle est dans le parrain, évidemment, aussi. Mais là, dans Prophétie, Mais tu sais alors, elle a pourquoi un elle est dans le rôle. parrain aussi? Bah oui. Mais non, mais dans Prophétie, là, elle joue une femme qui est enceinte, et qui, comme justement, comme les lieux sont empoisonnés, etc., à cause de la papeterie, elle s'inquiète pour les. Comme elle mange un poisson qu'ils ont pêché, elle s'inquiète pour les problèmes sur son fœtus à venir, etc. Il y a toute une dimension là-dessus, même sur la maternité, parce qu'elle veut un enfant, lui, son mari, il veut pas. Donc, mais curieusement, il y a des moments où on la sent concernée par le film. Puis à d'autres moments, on doit penser à autre chose, c'est du deux, Parce etc. que C'est pas. accessoirement, Taya Shire, en fait, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'en fait, c'est la sœur de Francis Ford Coppola. Ouais, mais je doute que Frankenheimer soit pote avec Coppola, d'ailleurs. Je Ils ont suis juste sûr. une grosse dynastie, putain, parce que en fait, c'est la mère de Jason Schwartzman et c'est la tante de Cage, donc enfin bon. Ouais. Grosse dynastie les Coppola, je pense qu'un jour, si tu te penches sur leur filmo à tous, là, ça va être. Enfin bon. Bah écoute, en tout cas, Natalia, en tout cas, dans le film, il y a un moment où elle est confirmée, puis d'autres moments où je me dis, je sais pas, elle a fait de la colle, ou elle est complètement ailleurs, elle fait des courses, voilà. Alors, on retrouve aussi Armand Assante, qui joue le rôle d'un Indien, d'un indigène du Je pensais Maine-et-Loire. qu'elle était décédée, mais pas, pas du tout, elle est encore. Non, non, non, non, elle est encore là. Bon, je pense qu'on en parlera, parce que vu que 2020, elle n'a pas l'intention de faire des prisonniers, je pense qu'on en parlera Mais je peut-être. sais pas si elle tourne encore en fait. Ouais. Ah si! Mais si elle tourne encore! 2019, Working Man. Ouais, c'est quand même vachement usé quoi, mais elle tourne encore, c'est bien. Quel âge est là maintenant? Maintenant, elle a. Ah 74 ans. ouais. Bah, tu me diras, jusqu'à ses 80 piges, il a tourné le père. Comment il s'appelle déjà? C'est une connerie. Non, pas Ah vrai. oui. J'en parlerai tout à l'heure. Non, non. Ouais, enfin, même pas. Non, un peu moins de 80 piges. Mais parce que là, il est mort à 90 ans. Il avait. C'était avant. Enfin bon, je dirai tard. Vas-y, vas-y. Bon. Donc voilà pour Prophétie, quoi, pour clore sur ce film qui, comme pour The Car, c'était une créature mécanique, là c'est une créature mutante ou bizarre. Je sais Ouais. pas, c'est une soirée film de monstre Halloween avec le même compositeur de musique pour les deux. C'est des coïncidences comme ça. Bon, après, c'est peut-être, c'est le même studio, tu sais pas, peut-être que c'est le même studio, et puis ils sont passés les trucs. Ouais, ce serait pas étonnant, mais comme pour The Cat, des patrons inspirés, compositeurs, là, ça allait pour prophétique, quoi. La musique est vraiment belle, quoi. Donc En même voilà, temps, bah, entre... c'est bon pour le film d'Halloween. j'ai l'impression que les Voilà. films de voiture, c'est un peu tendu parce que... Attends, c'était quoi le film avec Marthe, le frère de Martin Sheen, là? Putain, Maximum Overdrive. Ah ouais, super film. C'est une Oh horreur là là, ce mon film, film aussi, voyons. quoi. Enfin, Christine, c'est pas le plus connu non plus, je crois, en fait, des adaptations de Non. King. Non mais voilà, quand tu vois Christine et Duel et tu vois The Car à côté, The Car c'est un peu le c'est l'enfant le l'enfant pauvre de la famille, quoi, qu'on a mis de côté, hein. Le brouillon. Ouais. Non, c'est sympathique, mais voilà, c'est le petit film d'Halloween, quoi. Donc, bah moi je vais enchaîner avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Parce que Vas-y. comme on en parle entre nous, en fait, avec la mort de Sean Connery, je cherchais un film d'horreur avec Sean Connery et j'ai pas trouvé parce que Sean Connery ayant fait de tout, sauf un film d'horreur classique, voilà, ce qui s'en Pour de la rapproche. SF, hein, on aurait pu s'amuser quand même. C'est ça. Alors que, oui, mais il n'y a pas de fête pour la SF. D'ailleurs, il faudrait peut-être ça dans l'année, c'est une fête pour fêter la SF, à l'image d'Halloween, tout ça. Et donc en fait, ce qui se rapprochait le plus, à peu près, presque, de très loin, en plissant les yeux, c'était la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oula. Non, c'est pas le Covid. Et donc ouais. Et en fait, ce film-là, donc on sait tous à peu près que c'est une adaptation d'un comic de Alan Moore. Voilà, donc apparemment c'est le dernier film sur lequel Alan Moore aurait accepté que maintenant son nom figure au générique des films qui sont adaptés de ses œuvres. Ah oui, ça c'était pour Vendetta, c'était pas un des derniers. Parce qu'après pour Watchmen, en fait, ils ont juste dit que c'était adapté de je sais plus trop qui machin, mais il n'y a pas son nom. Enfin, il y a des. Enfin, c'est tout. Maintenant, il veut plus. Voilà. Il veut plus figurer au générique. Concernant Sean Connery, justement, bah. Sean, lui, il a. Parce que, alors, faut distinguer un truc, c'est que ce film, en fait, il a engendré d'un côté, dans les acteurs et au niveau des rats, t'as d'un côté ceux que ça a niqué totalement la carrière, et t'as ceux que ça n'a pas entravé, et il y a des. Je pense qu'il y a des raisons très précises. Donc, Stephen Norrington, tu vois, le réalisateur, avant, il avait fait Blade. Il avait pas fait tant de films que ça, hein. Il avait fait un film qui s'appelle Death Machine, il avait fait Blade, Last Minute, et donc la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et après il a plus rien voulu réaliser. Il s'est tellement pris la tête, c'est sa dernière réalisation. Après, tu le vois, il est au générique des différents trucs enfin au niveau des effets spéciaux, au niveau du make-up, bah, t'as un peu de tout, mais pas de la réalisation, il veut plus. D'accord. Sean Connery, parce que Sean Connery lui c'était quand même pas mal embrouillé pendant le tournage, et donc Sean Connery lui, alors pour le coup c'est le dernier film qu'il a fait. Il y a un autre truc de la même année, mais je pense que c'est peut-être un simultané. Sauf, il a fait des voix. En fait, il y a trois trucs sur lesquels il a fait des voix en 2005, 2007 et 2012. Mais après, en Ah, termes de il avait tournage tout propre. bouffé, donc c'était pour redorer la fierté du Ouais, pays, quoi. il y a. Notamment parce que il avait prêté sa voix pour le premier dessin animé irlandais, je crois. Alors, il y Une avait chose un truc près qui ça. s'appelle. Alors, il y avait un truc qui s'appelle. Un jeu vidéo qui est Bon Baiser de Russie. Donc, il double sa voix de James Bond, hein, qui était en 2005. Un documentaire qui s'appelle. Alors, parce que j'ai le titre en anglais, Modern Greek. Et t'as un truc où il s'appelle Sir Billy, en fait, qui est de 2012. C'est ça? Sir Billy, ouais. Donc voilà, Ouais. c'est Le plus qu'on voit, ça a l'air d'être horrible. un dessin animé. L'imagerie. Allez voir sur Google si vous pouvez. Le graphisme est gospé. Pas bon. Et donc voilà. Stephen Norrington, Sean Connery. Donc on va commencer par ceux que ça a ruiné. Hein. Ensuite, Stuart Townsend. Sorensen, lui, c'était en fait à l'époque, il était un peu dans des acteurs un peu qu'on pouvait dire montants à ce moment-là, en fait. Moi, je l'avais vu dans un truc qui s'appelait Shooting Fish, qui était une comédie anglaise, parce que je crois qu'il est anglais à la base. Et il est irlandais, d'ailleurs. Et c'était une où il jouait deux petits escrocs, et dedans il y avait Kate Beckinsale, jeune, tu vois. Enfin, c'était mignon comme histoire. Et il était un peu dans un truc un peu montant, tu vois. Et bah, raté, après, quand tu regardes sa carrière, il y a essentiellement de la télévision. Il tourne encore, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de télévision après, quoi. Ça change plus, quoi. C'est ça. Voilà. T'as Peta Wilson, elle Ouais. qui faisait déjà pas mal de télévision avant, et c'était elle Ah qui bah jouait oui, dans la. c'était Nikita. C'est exactement ça ce qu'il y a. C'était elle qui était dans la version télé de Nikita. Il paraît qu'il y a eu une deuxième saison, une deuxième version de Nikita, mais c'est celle dont on se souvient en fait, cette version-là, Ouais, parce que. avec l'acteur québécois Roy Roy Dupuis, qui était une star à l'époque. C'était une star à Dupuis! l'époque qui ressemblait à mon pote Olivier, dédicace à lui. Et qui était une star, qui est toujours une star d'ailleurs, mais maintenant il fait que des trucs au Québec, mais il a joué dans Messrine, il a joué dans plein plein de films. Moi, Je crois je me qu'il souviens qu'on le voyait dans des téléfilms qui passaient sur M6, des trucs Ouais, qui rachetaient pas beaucoup. cher et tout. Et Beaucoup. donc, ouais, donc t'as elle là, Alors, qui avait c'est fait. l'idole des jeunes des années 90, c'est bien. C'est ça, ça devait être ça. Et donc, elle avait joué donc dans pas mal de télé. Bah, ça aurait dû être son point d'entrée vers le cinéma. Raté. Donc, elle a refait de la télé après. Beaucoup, beaucoup de télé. J'ai vu des mimes dans le film. Voilà. Ouais, Zemina Harker. Le point, le quota féminin, quoi. Ah bah c'est ça, hein. D'accord. T'as Richard Roxburgh, qui est un peu un espèce d'entre-deux, en fait. Richard Roxburgh, effectivement, dans ces années-là, en fait, c'était la période où on le voyait. Il avait joué dans Moulin Rouge. C'était lui qui était le méchant qui voulait le personnage de Nicole Kidman et tout, enfin bon, et qui fait un méchant aussi, bref. Et bah lui, il avait un petit peu, il avait à la fois de la télé, il avait pas mal de télé avant. Il était dans une période, je pense, où il était sur pas mal, il avait pas mal, enfin il commençait à avoir des trucs au cinéma, et puis bon, gros télé, voilà. Donc c'est pas des trucs foufou, quoi. Mais il tourne encore, hein. C'est-à-dire lui, c'est un entre-deux quand même. Il commence à bosser pas mal. Après, il y a ceux que ça n'a absolument pas entaché. Tu as Tony Curran, en fait, qui joue le rôle de l'homme invisible. Ah ouais, bah normal, il est avec son blaze. Hein? Pourquoi son nom, il me dit quelque chose? Bah il a joué dans énormément de trucs, hein. Moi je l'ai vu dans Doctor Who, il jouait le rôle de Van Gogh. Ouais, Il a joué, mais il fait beaucoup beaucoup beaucoup de télé, hein. Ah, il fait énormément beaucoup de d'accord. télé. T'as forcément vu sa tête à un moment ou à un autre. J'essaie de voir s'il a des trucs très marquants, mais là comme ça à voir. Il a joué dans Underworld, le 2. C'est vrai, j'avais zappé ça. Il a joué dans Blade 2. Enfin, c'est le mec que tu vois pas un peu partout, mais sans faire gaffe, tu vois. Sa tête, je sais pas comment dire là. C'est un rouquin avec des traits. Je sais pas comment dire en fait. Mais tu connais sa tête forcément. Donc, et donc lui, je pense que c'est ça. Comme il joue l'homme invisible, sa tête, on la voit jamais vraiment, quoi, tu vois. Donc, tu vois, donc il n'est pas marqué visuellement par le film. Il a joué, il, tu, enfin, tu vois juste un moment où ils lui mettent un maquillage blanc pour qu'on puisse voir qu'il a un visage, quoi. Mais voilà, c'est pas. Et puis il n'était pas spécialement connu avant non plus, tu vois. Il n'avait pas fait de marque, enfin, c'est pas des trucs. Voilà. Et t'as aussi celui qui jouait le Capitaine Nemo, Nasiruddin Shah, qui est. Voilà, on ne le connaît pas, lui. Donc forcément, ça ne l'a pas marqué. Il a jamais arrêté de bosser. Donc, Oui, bah oui, j'imagine. tu as aussi Jason Fleming. Et Jason Fleming, normalement, dans le cinéma de genre, on voit qui c'est parce que c'est lui qui a joué dans Le Retour de James Bataille, qui est réalisé, qui était avec Vanessa Paradis, Atomic Circus, Le Retour de James Bataille. Ah oui, le film des frères Poirot. Exactement. Ouais, Moi, c'est né au Portugal, c'est assez pareil ce film. Exactement. Et il a joué dans From Hell aussi. Il a joué dans Bruce de Romero. C'est des, enfin, et pareil, il continue de tourner après. J'avoue que c'est sa grosse période. On le voyait dans pas mal de trucs à cette époque-là. Il continue de tourner pas mal. Hein, il continue, on le voit régulièrement. Moi, il fait beaucoup, beaucoup de télé, visiblement aussi. Je pense aussi qu'on a une époque aussi si, que où la télé, ben, on l'a beaucoup dit, c'est-à-dire que les séries télévisées sont devenues vachement plus créatives que le ciné, tu vois. Donc forcément, c'est eux qui ramassent aussi pas mal de choses, quoi. D'accord. Et t'as Shane West aussi, qui joue le rôle de Tom Sawyer, que avant lui faisait beaucoup de télé, beaucoup de séries télé, c'est pareil. Mais comme c'est l'américain du casting, en fait, il a une gueule d'américain typique, quoi, tu vois, un peu babyface, en fait, et donc forcément tu le cases n'importe où, ce mec-là, donc voilà. Et lui aussi, il a jamais arrêté de tourner, quoi. Et D'accord. donc ça a eu cet effet-là, c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment ça s'est scindé en deux, entre ceux que ça pouvait pas bosser, qui peuvent plus bosser, et ceux que ça a pas gêné. Le script de Like the Gentleman Extraordinaire, il était vachement réécrit, et ça s'en ressent, parce qu'en fait la moitié du film ils font que passer d'un endroit à un autre quand même, dans des beaux décors, d'accord, mais ils font pas, enfin beau, mais dans des décors un peu grandissants, tu vois. Mais voilà, et l'exposition des personnages est quand même hyper succincte, assez vite, quoi. Ah, oh, bah tiens, regardez, on a un tel, regardez ce qu'il a fait, voilà, bon, personnage suivant. Bon, bref, les effets spéciaux, t'as quand même 25 compagnies qui se sont penchées dessus. Du coup, bah, c'est le bordel, et du coup, bah, il y a des trucs affreux, genre le man painting, enfin, de ville derrière qui est ignoble. L'extérieur du Nautilus, quand t'as les scènes de jour, c'est là que tu fais, oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? T'as l'impression que c'est un truc de jeu vidéo. T'as un plan numérique de soldat à un moment en intérieur, de palanquée de soldats. C'est à chier, ce plan. Enfin, c'est juste pas possible. T'as des incohérences. C'est-à-dire que le maquillage de l'homme invisible, bah, tu vois, en fait, pour se faire voir, tu sais, il prend un truc de blanc, il se le met sur la tête, tu vois. Donc il se le met un peu salement pour qu'on voit son visage. Bah, un coup c'est méga clean, il en a partout. Un coup il en a sur la moitié de la tête. D'un plan à un autre, alors que bon, tu sais pas à quel moment il s'est fait toute la tête, quoi. Ils sont formés depuis même pas une heure, tu vois. La ligue est formée depuis même pas une heure, que t'as déjà le méchant, donc le fantôme, qui vient les chercher et qui dit, j'ai entendu parler de votre truc. Et personne se pose la question, mais comment est-ce qu'il a entendu parler de notre truc? En fait, t'as la vampirette Mina Harker de jour, il n'y a pas d'explication, alors qu'elle est directement affiliée à Dracula, hein, tu vois. Bon, bref, le Nautilus qui se balade dans les rues de Venise, alors que le truc est énorme, enfin dans les rues, dans les fleuves de Venise, alors que le truc est énorme, et les fleuves ils sont pas si grands, hein. Ah oui, dans le casting, t'as quand même deux déçus du Seigneur des Anneaux, hein. Ouais, t'as Storm Thorsen, c'est-à-dire qu'en fait il aurait dû jouer Aragorn. Et en fait, au moment où ils lui ont mis le costume, ils se sont dit, ah ouais, il est un petit peu frais, il manque un peu de charisme quand même. Donc du coup, recasting de l'autre. Voilà. Donc lui, au départ, il avait été casté, hein, mais c'est juste qu'au moment du casting, ils ont fait, ah, ça va pas le faire. Donc voilà. Bon, je suis désolé, dégage. C'est ça, exactement, quoi. Et t'as Sean Connery, alors je savais pas, en fait il a refusé de faire Gandalf, et en fait apparemment, Oui, c'est vrai ça, par contre. et du coup il était un peu deck, quoi. Donc c'est Ouais. pour ça, apparemment ce serait pour ça qu'il aurait fait la ligue, en se disant, ouais, il y a des sous à avoir peut-être. Et d'accord, du coup il était aussi producteur exécutif, hein, sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il avait accepté de faire le rôle pour ça aussi, en étant prod exé. Et t'as donc dans les genres d'incohérences aussi, t'as genre le personnage du requin, de Tom Sawyer. Alors au début, enfin, on te présente la bagnole de Nemo comme étant un objet inédit, tu vois. Et à un moment il dit, moi j'appelle ça une voiture, un truc comme ça, tu vois. Et ben, tu sais pas pourquoi le Tom Sawyer, l'Américain, d'un coup il débarque avec la bagnole dans une scène et il conduit ça comme une Formule 1, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ah, Alors que c'est le bon. truc, alors que c'est censé être un truc inédit pour tout le monde. T'as les personnages qui ont été vachement lissés, parce que déjà Mina Harker, apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'était censé être la chef d'équipe. D'accord. L'homme invisible, c'était censé être un vrai connard, enfin un escroc, enfin bref, comme ça. Et il est présenté comme un escroc, un traître, alors qu'en fait non. Dorian Gray ne faisait pas partie du truc à l'origine. Tom Sawyer non plus, Tom Sawyer a été rajouté juste pour les Américains. Et ça se voit parce que du coup, c'est des trucs. Enfin, c'est comme. Alors, Dorian Gray, tu vois, c'est moins bancal, mais Tom Sawyer, il y a un souci à ce personnage. Et du coup, en fait. Alan Quaterman, qui était joué par Sean Connery, était mis en tête d'équipe. Il paraît que c'est lui qui avait demandé tous ces changements. Donc, on sent que le mec, il était tellement dégoûté du Seigneur il des Anneaux. Il a demandé quoi, pardon? C'est lui qui avait demandé les changements des persos, en fait, apparemment, et attends, en chef d'équipe. Comme il était pro d'exil, il avait une main sur le scénario, apparemment. Donc, et tu sens qu'il était tellement dégoûté de ne pas avoir eu son Seigneur des Anneaux qu'il a essayé de. Mais du coup, le problème, c'est que il en résulte une espèce de relation qu'ils ont instaurée entre Tom Sawyer et Sean Connery, entre Quaterman et Sawyer, qui est un peu malaisante parce qu'en fait, ils ont essayé de mettre une espèce de relation père-fils qui repose uniquement sur la perte de l'enfant de Quaterman. Et en fait, donc c'est comme si tu vois le personnage de Tom Sawyer remplacer le fils et surtout de la manière dont est un introduit le personnage de Tom Sawyer, c'est-à-dire genre en gros il débarque, je suis un agent américain, ok t'es engagé, en gros c'est ça quoi. Ouais, tu m'étonnes qu'Alan Moore il soit furieux avec les adaptations quand il voit le truc. Ah ouais, non mais c'est ça, et donc tu vois, personne se pose la question sur le mec qui dit bonjour, je suis venu pour voir, enfin voilà, que dalle quoi. Au niveau de la technique, l'action est complètement molle sur les deux tiers du film, quoi. Ils ont tout misé sur, en fait, tu sens qu'ils ont énormément misé sur le décorum, sur l'imagerie, mais au niveau de l'action, c'est mou. Il y a qu'à la fin où ça se bouge à la fin, là, tu vois, mais voilà, faut attendre la fin, quoi. Et il y a une curieuse mise en scène, en fait. Du message de confession, c'est-à-dire qu'avant bon, le méchant il avoue le truc et la manière dont c'est mis en scène en fait, ça pouvait être une bonne idée, mais en fait c'est mal foutu et t'as l'impression que c'est un message vidéo non justifié, alors qu'en fait c'est un message audio, tu vois. Mais c'est un peu curieux. Mais après le truc c'est dans les plus, c'est que malgré tout ça, ça reste quand même un film sympathique. Tu sais pas pourquoi en fait. Je pense que c'est peut-être dû à l'assemblage des personnages. Mais du coup, je sais pas. Il y a un potentiel sympathie. Ouais, c'est ça. Oui, alors là pour le coup. Et t'as une imagerie steampunk qui est quand même assez sympa. L'intérieur du Nautilus c'est quand même dingue. Hein. Les gens qui ont bossé sur le décor du truc, je pense qu'ils ont dû faire plaisir. Puis t'as des petites idées cinématographiques qui sont assez sympas, comme la manière qu'il a de filmer Jekyll et Hyde. D'ailleurs, j'ai pas vu grand-chose sur les modifications par rapport au personnage de Jekyll et Hyde, mais après, on peut supposer que si c'est le personnage qui a subi le moins de modifications, c'est peut-être pour ça que c'est celui qui est le mieux filmé, quoi. Mais après, je peux me tromper. Hein. Dans le comics, c'est le meilleur personnage. Comment? Dans le comics, c'est un des meilleurs personnages dans le comics. Ouais, bah là, pour le coup, je trouve que c'est celui sur lequel il y a un peu. Voilà. Il est pas trop étrangement, visiblement. Et puis, à un moment, il y a une bombe dans le sous-marin. Bon, je trouve que la manière dont c'est mis en scène, pour nos amis, enfin, dont c'est filmé, je trouve ça pas trop mal non plus. Voilà, c'est effectivement un truc où tu ressens tu ressens vraiment toutes les problématiques qu'ils ont eues au niveau du scénario, au niveau de leur relation dans l'équipe, au niveau. C'est dingue, quoi, c'est dingue. Et même au niveau, enfin, les effets spéciaux, c'est à chier aussi parce que, à cause des 25 compagnies, puis parce qu'ils avaient un planning serré, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est le truc où c'est un gros brouillon. C'est-à-dire qu'ils ont tous senti qu'il y avait du blé à se faire avec ce truc-là, mais du coup, ils ont tellement focalisé là-dessus qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont bien charcuté le truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est un sacré accident industriel, en gros. Ah, mais trop. Mais Nio, toi, tu disais que tu connaissais le comics, du coup? Ouais. Bah, pour revenir à ce que tu disais, Quaterman qui est chef d'équipe, etc. Dans le comics, c'est Mina Harker qui est la chef d'équipe. Et en fait, c'est pas elle qui prend d'emblée l'opération, mais c'est elle qui se révèle, en fait, au fil du temps, le personnage le plus humain. Et c'est par son humanité, parce qu'en fait, c'est même pas un vampire, ils ont rien compris du comics. Mais comme dans le roman de Bram Stoker, c'est quelqu'un qui a été sauvé du vampirisme par Van Helsing, donc qui est redevenu humaine, mais c'est comme si elle avait subi un traumatisme, comme la guerre ou un viol violent. Et c'est justement parce que c'est celle qui a gardé son humanité que les autres s'assemblent autour d'elle. Donc c'est par la maîtrise, par le respect, etc., tout ça, qu'elle finit par avoir un peu la, par devenir le leader du truc, quoi. Donc voilà, ne pas arriver à comprendre ces choses qui sont essentielles, c'est déjà une débilité monstrueuse. Dans Tom Sawyer, comme tu l'as dit, il est rajouté, effectivement, parce que c'est évidemment que des personnages qui sont britanniques. Et dans le comics, ils en profitent pour dire, pour épingler l'économie britannique, puisque Nemo vient de l'Inde, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'économie britannique avant de prendre son indépendance, Nemo. Donc c'est vraiment Moore, il tire à bâton rouge sur plein de trucs, quoi. Et là, tu sentais bien que les Américains, pour le, ils ne pouvaient pas se le permettre. Autre chose, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voilà, effectivement, c'est un des personnages dans le comics qui n'est pas gommé du tout. C'est un personnage qui est monstrueux, et Alan Moore en profite pour montrer bien toute la monstruosité. Même Quaterman, c'est limite un déchet, c'est quelqu'un qui est gagné par la vieillesse, qui a des remords, qui sent que c'est la fin de sa vie, et qui ne sait pas trop, tout le monde, le monde l'a oublié, etc., quoi. Et c'est justement ça qui est touchant. Comment, avec cette équipe, etc., il va, c'est une espèce de dernier barreau d'honneur. Et même l'homme invisible, bah, comme chez Paul Verhoeven, l'homme invisible, justement parce qu'il est invisible, il pense qu'il peut tout se permettre. Donc c'est effectivement un connard. Mais vraiment le connard fini, quoi. Et ça va très mal finir pour lui d'ailleurs dans Là, le ils ont comics. gardé un petit peu, il se fait. En fait, là, pour l'homme invisible, t'as l'impression que c'est un petit connard, mais en fait, ça s'avère être un mec hyper noble et tout. Enfin, bon, c'est un truc comme ça, quoi. Mais Ouais, concernant le effectivement. personnage de Quaterman, ça m'avait pas. Enfin, je l'avais vu à la sortie, moi, le film, donc je m'en souvenais plus trop. Mais c'est un connard, en fait. Avec le recul, je vois le truc, je me dis, c'est un connard, en fait, il n'y a rien d'attachant chez lui. Ok, il a perdu son fils, mais je C'est sens. totalement inventé, ça. Dans le comics, les sens sont différents. C'est parce que c'est quelqu'un qui est en fin de vie, qui a fait des erreurs dans sa vie, c'est pas trop précisé. Et tu sens que c'est presque comme si c'était une mission, c'était une dernière mission pour se racheter, quoi. Et c'est ça qui est touchant. Il n'y a rien du tout dans le film à ce niveau, quoi. D'ailleurs, la fin laisse supposer qu'il prévoyait une suite, hein. Donc, Bah, moi, le comics, en fait, je vais pas me baser sur la parution française ou anglaise, parce que tu sais, c'est une affaire de tomes, etc. C'est compliqué comment ils éditent ça en France ou en Amérique. On va baser ça sur cycle. Il y a un premier cycle, donc le film se base logiquement sur le premier cycle avec le fameux M. On va pas spoiler, je pense que tu n'as pas dit qui c'était, donc Moi, c'est ça m'a fait rigolo. rire, la scène où il dit au personnage de Sean Connery, appelez-moi M. Je me suis dit, oh, Ouais, mais ok. on voit tout ce qui fait, quoi. On voit tout ce qui fait. Alors, quand tu lis le comics, c'est pas très clair, c'est beaucoup plus mystérieux. Et ça permet de poser justement l'ennemi de M, de le faire intervenir un peu brièvement dans le comics, quoi, d'expliquer l'ennemi de M qui vivait à Bakersfield. Alors, on n'en dit pas plus, là, j'ai un peu trahi le truc. Et le premier cycle, donc, c'est ça, avec cette espèce d'ennemi, voilà. Et le deuxième cycle, c'est un nouveau Moore qui continue de montrer les personnages dans le contexte de la. C'est le contexte historique de création de ce personnage dans la littérature. Ben c'est quoi? C'est la guerre des mondes qui débarque. C'est justement la plus folle de l'époque quand tu vois les écrits de Wells, tout ça. Donc le deuxième cycle est aussi passionnant que le premier avec comment nos héros, entre guillemets, parce que quand tu vois Jekyll, c'est pas gagné, Jekyll et Hyde, comment nos héros, entre guillemets, font face à l'invasion martienne de la guerre des mondes dans le deuxième cycle. Et le troisième cycle, c'est encore autre chose, c'est avec les années 70, comment ils vont traverser un peu le temps, enfin du moins ce qui reste, hein, parce que je veux dire que Moore, c'est un peu comme Game of Thrones, il va pas se gêner pour dégommer des personnages, c'est ça qui est assez mythique, quoi. Dans le film, évidemment, dans mon souvenir, je suis pas sûr que, je crois qu'ils s'en sortent quand même à peu près bien, quoi, il n'y a pas vraiment de grosses pertes dans le film. Ouais. Et du coup, ben on va passer au dernier film. Donc Oui. Nelson, Mr. Dynamite. Mr. Dynamite. Alors, Mr. Dynamite en français, c'est Mr. Dynamite parce qu'en VO, c'est Armor of God. Et c'est le premier Jackie Chan où, en fait, Jackie Chan joue le rôle d'Indiana Jones, en gros. Voilà. Voilà. Non, mais en fait, On était voilà, avec c'est Alan mon. Quaterman tout à l'heure, ça tourne un peu hein, autour du C'est même ça, truc. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens, les films d'aventure, il a dû voir, les films d'aventure, Indiana Jones, etc. Et il s'est dit, vas-y, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de jouer les keufs, je vais jouer ça. Et donc du coup, on est, alors une fois que c'est en 1986, donc ça a été, ouais, c'est réalisé en 86. Donc dans un premier temps, c'est réalisé donc par Eric Tsang. Et donc, alors il me semble que Eric Tsang, c'est un des, ouais, c'est le petit bonhomme de Lucky Star. Donc pour ceux qui connaissent, C'était un duo, c'était un, pardon, c'était une troupe comique hongkongaise qui a joué dans le flic de Shanghai, qui est un film de un film avec Jackie Chan, de, qui a eu deux. Non, c'est pas flic de Shanghai, c'est flic de Hong Kong, pardon. Flic de Shanghai, c'est avec Samouraï, c'est une série, c'est autre chose. Ouais, donc en fait, c'est réalisé dans un premier temps par Eric Tong. Et ensuite, Jackie Chan fait une cascade et se foire littéralement. C'est la fameuse cascade où il attrape une branche, la branche cède et il se fracasse la tête contre une pierre. Et donc du coup, bah, le tournage est repoussé et au final, c'est Jackie Chan qui finit le film, qui réalise le film. Et il y a une différence en fait. Il y a une différence de réal entre les deux et ça se voit très très vite en fait. Et donc c'est Jackie Chan qui est une espèce de mercenaire aventurier qui va récupérer dans un premier temps l'épée de Dieu et dans une troupe non dans une troupe pardon dans une tribu primitive quelque part dans le monde et il va récupérer cette épée qui naturellement en bon pilleur de ressources autochtones va la vendre aux enchères. Et il la vend aux enchères et en fait, bah, entre-temps, il y a son meilleur pote qui est joué par, comment il s'appelle déjà ce mec, j'ai oublié son nom, Alan Tam. Donc il joue Alan. Donc le meilleur pote de Jackie, Alan, se retrouve en fait que sa petite amie est kidnappée et il retourne voir Jackie et vient m'aider parce que ma meuf elle est enlevée. Et Alan Tan, c'est un peu, c'est l'élément comique du film. Et c'est un gros boulet, il fait n'importe quoi, il fout toujours la merde. Et en fait, c'est l'époque où Jackie Chan, donc Jackie Chan, c'est un chanteur aussi, et il s'est fait pote avec plein de chanteurs pop hongkongaises comme japonaises, parce que c'était aussi un des meilleurs potes d'un interprète japonais très très connu au Japon qui s'appelait Hideki Saijo. Et en fait, voilà, il s'est fait donc pote aussi avec Alan Tam. Et il en a profité pour glisser bah, des chansons de son pote en plein dans le film. Et notamment dans des montages musicaux où on voit Alan Tam chanter en live, enfin en plein concert. Et en guise donc de montage audio et vidéo, on a des passages des concerts. Et pour mettre ça dans le contexte du film, c'est la scène d'enlèvement où c'est des mecs d'une secte habillés tout en noir, en espèce de templier noir, qui chargent des calaches, qui tuent tout le monde et qui embarquent la petite amie de Alan. Tu me l'as vendu Et comme là, ça, moi je disais des templiers en noir qui sortent des calages, tu me l'as vendu. Ah ouais, mais c'est complètement ça, quoi. Alors donc voilà, donc le film s'articule un peu autour de ça. Alors bon, moi le montage, j'ai jamais vu le montage original parce que bon, on sait très bien que alors ça sonne très complotiste ce que je dis là. On sait très bien que et puis c'est prouvé, hein. Non, cette très mauvaise imitation de Soral vous est présentée par C'est pas. Nelson. Voilà. Non, en fait, le truc c'est que le film, il fait, enfin le montage français, il fait 1h20, mais quand on regarde les séquences à la fin, il y a des séquences qui ne sont pas dans le film, comme pour Police Story 1, comme pour Police Story 2, etc. Donc, du coup, c'est le montage pour l'Europe. Et en fait, le film, donc, est bah, un film assez, enfin, il est très drôle, il a bien vieilli. Après, il y a des séquences où tu te dis bon, ouais. Le mec, il s'est pas emmerdé de l'histoire, quoi. Les trucs annexes à l'histoire, ils s'en battent un peu les couilles, genre les espèces de templiers, pourquoi ils font ça, quel est leur Oh, but pour ou faire quoi. plaisir. Voilà, rien à foutre. On en a rien à foutre. C'est des mecs, voilà, ils adorent le diable, etc. Mais pourquoi? On s'en bat la race. Mets-nous une Parce que scène c'est de bien des tatou. fois, quoi. Voilà. Mets-nous une scène d'action. Des meufs qui servent à rien, parce que là, les meufs, vraiment, elles ne servent absolument rien dans le film à part juste d'être des vitrines, enfin des potiches, quoi. C'est juste des potiches, même Des petits pots de pas. fleurs là. Ouais, voilà, mais c'est pas, si tu veux, c'est pas les personnages féminins comme dans un rôle dans un autre film, bien, bien. comme dans le même truc, Michelle Yeoh dans Police Story 3, quoi. C'est pas Michelle Yeoh dans Police Story 3, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout ça, quoi. Là, c'est vraiment des potiches, à ce moment-là, sois belle et tais-toi, quoi. Et bon, les scènes d'action sont énormes. D'ailleurs, il y a le méchant, c'est la voix de en VF, c'est la voix de Ikki dans Les Chevaliers du Zodiac. Et c'est moi, pour moi, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Donc forcément, c'est une voix que j'adore entendre. C'est d'ailleurs le il me semble que le ouais, banane, ouais, c'est René Berryard, c'est le mec qui fait la voix VF, qui est décédé depuis. Et donc ouais, on s'embarrasse pas trop des méchants, on s'embarrasse pas trop des personnages féminins. Le mec qui achète Jackie Chan, il fait une promesse au gars à qui il emprunte l'armure de Dieu. Il lui dit ouais, je vous la ramène, il y a pas de problème et tout, je vous ramène ça. Et l'autre il lui dit ouais, bah à condition que ma fille elle vienne. D'accord, il y a pas de problème, je vous ramènerai les deux en pièces. Pardon, en bon état. Finalement, il ramène que la meuf et les pièces inestimables. Bah les couilles. Le film est un immense placement produit pour les bières japonaises Kirin et pour Mitsubishi, parce que Mitsubishi Motors, alors là dedans, ça y va à fond, quoi. Comme il s'appelle, Jackie Chan aussi, à mon avis, il a voulu y mettre un petit peu de James Bond dans le truc, parce que le héros, il a plein de petits gadgets et tout, puis il a un petit et on est quand même à un an après la sortie de merde, le dernier c'est Dangereusement Vôtre, celui qui est tourné à Paris avec le dernier de Roger Moore, en fait. Le dernier James Bond de Roger Moore, donc en 85. Tu as trouvé ça? En 85, il me semble. Et donc du coup le personnage, il a des petits gadgets à James Bond et tout, et puis il a aussi le fameux gimmick qu'on retrouvera dans Opération Condor et il me semble aussi dans Chinese Zodiac, qui est le gimmick des boules de chewing-gum, où le mec il avale des boules de chewing-gum et à chaque fois c'est toujours des façons un peu acrobatiques et tout, et c'est super drôle. Et c'est ça que je trouve ouf en fait dans les Jackie Chan, c'est qu'il y a le mec, il a dû faire 20 prises pour des petits trucs comme ça, il a dû faire 20 à 40 prises, on lui a toujours laissé faire ces 20 à 40 prises, alors que c'est de la péloche, quoi, ça coûte, quoi. Et les mecs, non, il a continué, il a fait ça dans plein d'autres films, par exemple dans Drunken Master 2, la séquence avec la mère qui attrape le sac à une main, le sac à main, elle l'attrape à une main, ils ont dû la refaire peut-être 10, 20 fois, un truc comme ça. Et on le voit à la fin du film, enfin c'est vraiment des fois des petites broutilles comme ça, mais le mec il a quand même maintenu les 20 fois à essayer de le faire, quoi. Voilà, tout ce qui fait un peu le charme des Jackie Chan de l'époque, parce que pour moi les Jackie Chan c'est vraiment intéressant à partir de 80, enfin tout ce qui est après, tout ce qui est à partir de Drunken Master, très intéressant, parce que ce qu'il fait après la mort de Bruce Lee, c'est absolument négligeable, voilà. Mais tout ce qui est la Hyène Intrépide, Drunken Master et tout, c'est super cool. Et jusqu'à contre-attaque, parce qu'après tout le reste, Mr. Nice Guy, tout ça, c'est chiant comme la mort, et on sent que le poids des années commence à arriver et qu'il est plus vraiment au top de sa forme et qu'on a un peu l'impression qu'il se fait chier aussi, quoi. Voilà. Il y a sa petite partie quand il rentre à Hong Kong et qu'il commence à faire des films un peu avec Jet Li, avec j'ai oublié le nom, où celui où il fait un espèce de moine, j'ai oublié comment il s'appelle celui-là, il y a Jet Li dedans, qui est super cool, mais on sent que bon, enfin voilà, quoi. The Tuxedo, c'est nul à chier. Shang-Chi, enfin, les trucs qu'il a fait pour Disney, c'est nul à chier aussi. Enfin, voilà, quoi. Moi, c'est vraiment pas mon kiff. Vraiment, Jackie Chan, pour moi, c'est super cool. 80-90. Enfin, 70-80-90. Après, le reste, c'est les indispensables, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment cool. Celui-là, il est vrai. Il fait partie des cools, malgré que, bon, il est pas. Enfin, voilà, c'est un. Il est aussi court qu'un porno, c'est-à-dire 1h20. Il est et en fait on le regarde comme un porno, c'est-à-dire que pour les scènes d'action. Mais il est cool pareil quoi. Et Opération Condor qui est la suite est vraiment super. Chinese Zodiac est un peu dispensable, mais Opération Condor c'est vraiment le meilleur des trois. C'est pour moi c'est Opération Condor. C'est comme Police Story, hein. Pour moi le meilleur des trois c'est le 3, quoi. C'est incontestablement le 3. Le 1 est mortel d'ailleurs. Le 1 il y a une scène du 1 qui sera pompée par Bad Boys 2. Qui est la scène du. Ah ouais, mais c'est un scandale, quoi. Bad Boys 2, cette séquence, c'est un scandale. Mais voilà, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Et voilà, après, il y a. Comme j'ai dit, ouais, il y a. C'est vraiment l'époque. Enfin, c'est l'époque qui veut ça, quoi. C'est-à-dire, c'est Jackie Chan. Il y a que Jackie Chan, il y a son comic relief et tout le reste, c'est de la figuration. Voilà. Le dernier James Bond de Roger Moore, c'est effectivement Dangereusement Vôtre, mais là je découvre avec effroi en fait. Je sais pas si c'est de l'effroi ou enfin je sais pas ce que je ressens là en fait en découvrant qu'il a joué dans un épisode de Tator. Ouais, bah oui, bah ça m'étonne pas du tout. parce que Je suis dans le Tator, coup, pour quoi. ceux qui connaissent pas Tator, c'est quand même une série télévisée allemande. Donc c'était le truc Ouais. qui passait tous les ça fait partie, c'était pas genre le truc qui passait quand il y avait plus d'Eric, un truc comme ça, tu vois, enfin, c'est dans le même genre quoi. Ça nous a niqué nos dimanches sur la. De toute façon, personne ne regardait France 3, mais c'est le genre de truc que. Il n'y avait que France 3 qui Mes diffusait ça parents. le vendredi. Non, le pardon, parce que vendredi c'était à la fin. Le dimanche soir, FR3 diffusait Tator. Ça niquait carrément la jeunesse de ceux qui ne pouvaient pas capter à l'époque la 1 ou la 5. Voilà, la 1, la 4 ou la 5, voire même la 6. Et qu'il n'y avait que la 3 ou la 2, tu vois. Ça leur a Ouais, niqué leur jeunesse, ça, tu chez vois. nous on avait toutes les chaînes, mais mes parents regardaient Tator. Hein, tu vois, ça fait que les moins de 20 ans ne peuvent pas C'est connaître. grave. Mais c'est ça, c'est boomer édition, quoi. Mais tu sais que Tator, c'est ça qui est fou, c'est que Tator, ça continue à jouer en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles saisons de Tator en Allemagne. Et Ben oui, parce que Tator, ça joue depuis les années. sur Wikipédia, ils disent que c'est encore en production, en fait, depuis 1970. Ouais, complètement. C'est des trucs de RFA qui continuent à jouer. Tu vois, c'est Derrick, ça a arrêté de jouer parce que bon, on a découvert son passé nazi. Mais encore, on l'a découvert bien 20, 30 ans, 30 ans après sa mort, tu vois. Oui, puis il y a surtout qu'il y a des gens qui vivaient très bien en le sachant aussi, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors que ta porte, ça continue à être produit. Bon, tout ça pour dire que, par exemple, juste pour citer un truc, citer deux trois petites anecdotes rapides sur le casting de Armor of God. Ouais. Alors c'est assez, comment on appelle ça? Il y a l'ancienne Miss Espagne 79, c'est Dolores Forner. Il y a comment il s'appelle donc il y a Alan Tam, ça je l'avais dit, donc qui est un chanteur de pop hongkongaise dans un premier temps, puis après l'accord sino-britannique est devenu chinois. Ensuite tout le reste c'est des gens on sait pas trop trop ce qu'ils ont fait après quoi. C'est même Wikipédia dit que lui non je vois pas, non je vois pas. Il y a des mecs qui étaient là, qui ont fait des trucs dans les années 50, ça, mais par exemple, ou alors, sinon, les cascades, parce que ça a été tourné quand même entre l'Espagne, la Croatie, la France, les cascades, il y a des cascades réalisées par Rémi Julien. Allez Déjà, voir. Julien, à l'époque, déjà, je pense qu'à mon avis, Dangereusement Vôtre aussi, ça n'a pas dû que apporter du boulot à Julien pour le James Bond. Il a fait aussi. Les cascades, enfin certaines cascades à mon avis en bagnole de comment il s'appelle ce truc donc de Armor of God. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce film. Et Armor of God, le titre anglais de Mister Dynamite. voilà, c'est ça. Et surtout, alors Jackie Chan, comme je l'avais dit, il avait un contrat bagnole avec Mitsubishi. Et Mitsubishi lui avait fait un concept car pour écrire pour le film. C'était le concept car Targa, qui est une bagnole absolument dégueulasse. Tu vas voir le design, tu dis, mais c'est même pour, on dirait une bagnole en fait pour les Sentai. Tu vois les trucs Power Rangers japonais et tout, tu vois? Les Sentai de héros japonais, on dirait une truc de Sentai, quoi. Et comment ça s'appelle? Ah oui, alors c'est ça qui était drôle, qui m'avait fait marrer, c'était que le film, en fait, au début, on voit un espèce de boys band façon 70s, des espèces de Beach Boys un peu chinois, enfin hongkongais, au début du film. Et en fait, le groupe, il s'appelle The Losers. Et The Losers, en fait, c'est parce que c'est un clin d'œil au fait que Adam, Alan Tam, pardon, Alan Tam, il avait un groupe qui s'appelait The Winners dans les qu'ils ont fait un petit comment ça s'appelle, un petit clin d'œil à tout ça. Et le générique de fin, il est chanté par Jackie Chan. Voilà. Le générique de fin est chanté par Jackie Chan. Comme pour l'Story 1 et 2 d'ailleurs, et pour l'Story 3 aussi d'ailleurs. Et après, il a arrêté de chanter. Là, il s'est dit, j'ai vraiment une voix de chiotte. Donc non, en fait, je vais arrêter de chanter. Parce que T'es pas franchement, convaincu, il non, devait plus franchement, pouvoir chanter, quoi. bah franchement, je trouve qu'il a une voix de chiotte, Jackie Chan. Vraiment, vraiment. Enfin, voilà, quoi. Bon, on est rendu compte pour moi. Ouais, voilà. Bah, pour moi, en tout cas, c'était tout ce que je pouvais dire sur ce film. Voilà. D'accord. Bah écoute, on a déjà pas mal évoqué de trucs en fait. Bah du coup, on se retrouve la semaine prochaine. C'est même trop. Chaîne, dimanche aussi, 18h, Yes. meeting 18h, et on va parler, bah on sait pas encore, voilà, c'est la surprise, On verra surprise, bah un prochain bien. podcast de confinement tous, Oui. Yes. Bon confinement à vous, ciao. Ciao. Allez, courage, ciao, ciao.